Vous savez, j'ai vu dans le journal, c'est des gens qui parlaient, ils disaient, ah, mes parents sont complotistes, puis là, quand on s'est fait inoculer, ils ont cessé de nous parler, puis là, finalement, après, ils ont voulu revenir vers nous, mais comme il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison, j'ai cessé, moi, de leur parler. Fait qu'ils font tout le temps à croire que les gens qui sont dans certaines idées, si vous voulez, là, parce qu'ils présentent ça comme c'était une idéologie complotiste, vont se couper de leur famille, alors qu'il y a une induction pour que les gens se coupent de leur famille, des gens dans leur famille qui ont un discours qui va pas avec les narratifs officiels. Puis ils vont toujours faire à croire que c'est de votre faute. Mais c'est les techniques de manipulation par la culpabilisation. On habite des sociétés immatures. C'est pour ça que justement les parents, leur rapport au niveau de leurs enfants, vont essayer de leur faire intégrer des choses de la vie au niveau d'un comportementalisme basé sur un chantage psycho-affectif lié entre autres à de la culpabilisation. Une fois que le parent a, si vous voulez, pollué son enfant au point de le rendre subjectif comme ça, là, il reste juste au gouvernement à continuer par empirer le processus, mais c'est des réactions. C'est lié à l'animalité psychosociale humaine, c'est-à-dire que l'être humain, il y a une partie de lui qui est une sorte un peu simiesque. Il y a autre chose, ce qu'on pourrait appeler son âme, qui va de. Mais l'aspect collectif, lui, il est animant. Puis on va se servir de ça, là, notamment les pulsions comme la peur, le besoin de se rassurer, le besoin de s'accorder une valeur, le fait qu'on est social, qu'on est socialisé, c'est ça que les gens vont vouloir, ils vont se plier pour pas être rejetés. Toutes ces mécaniques-là, c'est ça qu'étudient les behavioristes, entre autres au niveau pratique, la réactivité comportementale. Puis c'est comme ça qu'un gouvernement peut après engager une firme de consultants, dire à la firme, moi je veux tel comportement parce que plus haut au niveau transnational, c'est ça qu'on me demande que ma population ait comme comportement, puis la firme va expliquer exactement comment agir pour obtenir ce comportement-là. En tout cas.